Un éclair perce les nuages, révélant tout le maquillage. Quand le soir nous retournons à Guilin, je me sens très affaibli. Une forte fièvre me contraint à m'aliter. Une fois sous les draps, je demande à May, présente dans ma chambre, de chercher dans mon sac à dos de l'aspirine. Elle trouve un tube. Elle le prend, saisit une bouteille d'eau et un verre de plastique. Elle y verse du liquide, puis met un cachet d'aspirine. Je bois. May s'assoit sur une chaise. J'apprécie beaucoup sa présence. Quelle chance de l'avoir comme guide. Mon étoile personnelle brille donc encore dans le ciel. Je m'étends dans le lit, le visage crispé, le regard dirigé vers le plafond. Je m'efforce de ne pas penser en espérant m'endormir. De la rue parviennent seulement les pas lents de quelques passants. De la cour, le perroquet lance de temps en temps son joyau « crrr, crrr ». « À quoi ça tient la vie ?» chuchote Bruno. Je tourne le regard vers lui. Il maintient les yeux fixés vers le plafond. Un coup de chaleur ajoute-t-il et hop, la machine humaine est hors d'usage. Je pense sans répliquer. Eh oui, on agit sans penser à notre aspect machine, jusqu'à ce qu'un événement fortuit survienne pour nous le rappeler. Quelquefois, trop tard, d'où l'importance de la pratique du tai chi. Je demande au malade, « Tu ne veux pas manger quelque chose ?»« Non, merci, je n'ai pas d'appétit. » Il est épuisé. J'essaie de ne pas montrer mon inquiétude. Il ferme les yeux et s'endort, respirant avec difficulté. Je m'installe sur un fauteuil pour m'assoupir à mon tour. Je n'y parviens pas, bien que très fatiguée. Je pose ma tête sur le haut du fauteuil et ferme les yeux. Quelques minutes après, Bruno s'agite dans son lit tout en dormant. Je m'approche de lui. Il est en train de rêver. Sa tête remue à saccade, tour à tour vers la droite, puis la gauche, plusieurs fois. Cela ne doit pas être un bon rêve. Durant mon sommeil, j'errais dans un désert affreusement dénudé, sous un soleil de feu. Je marchais en chancelant, tout en sueur, respirant très difficilement un air désespérément sec. Brusquement, je me retourne. Derrière moi, à quelques mètres, je vois maman, debout, immobile, silencieuse, le regard fixé sur moi. Je l'appelle. « Maman !» Pas de réaction, je crie. « Maman !» Même rigidité. Soudain, près d'elle apparaît mon fils. Je l'interpelle. « Oui, Stiti ?» Même immobilité que maman. J'insiste. « Oui, Stiti !» Les deux interpellés semblent deux statues de pierre, mais avec des yeux vivants, cependant étrangement fixes, pointés sur moi. Leur attitude et leur regard sont-ils des reproches? Parce que je les aurais abandonnés? Très confus, je me limite à les regarder, en espérant un signe de reconnaissance, d'affection. D'un coup, maman et enfant disparaissent dans l'obscurité, me laissant désorienté, désespéré. Dans son lit, Bruno se tourne et se retourne, gémissant puis haletant. J'en suis très peinée. Heureusement, il finit par se calmer et poursuit son sommeil. La première fois que je vis Bruno à Pékin, ce que j'avais ressenti, je l'ai exprimé le soir, chez moi, par ses vers. Un air frais de printemps se lève en ce moment, caressant la prairie, faisant chanter la pie. Quand devant moi, il évoqua Hua, je sentis la profonde affection avec laquelle il en parlait. Combien j'aurais aimé entendre un homme s'exprimer ainsi sur moi. Les paroles de Bruno me touchèrent au plus vif de mon être. Elles me décidèrent à l'accompagner, bien que n'appréciant plus les voyages pénibles. Le motif de ma décision était clair. Je n'ai pas trouvé l'amour. Au moins, je contribuerai à ce qu'un autre y parvienne. Au fur et à mesure de ma connaissance de Bruno, j'ai constaté que l'air frais de printemps perdure, se confirme. Il correspond à ce que j'espérais trouver en l'homme qui m'aimerait. Le voici donc, l'amour d'un homme, mais pour une autre femme. Qu'importe, indirectement j'en jouis, comme un pauvre en guenille se réchauffe au soleil. Un jour, j'ai comparé l'impression que Bruno fit sur moi par rapport à celle de mon ex-mari. J'étais étudiante à l'université. Je ne me considérais pas belle, et j'étais isolée de mes compagnons. Ma famille habitait très loin, à la campagne. Un chauffeur de taxi s'intéressa à moi, me fit une cour assidue. Elle flatta mon besoin d'être estimée, aimée. Rapidement, notre mariage eut lieu. Mais la vie commune dévoila une réalité amère. Mon époux ne cherchait pas, n'avait pas besoin d'amour, mais seulement d'une femme pour satisfaire ses nécessités élémentaires, préparer à manger, laver les habits, tenir propre la maison et, quand cela lui manquait, avoir un rapport charnel. Très frustrée, je me suis néanmoins résignée. Divorcer aurait été une honte pour moi, et surtout pour ma famille. J'ai accepté mon destin. Mon mari, trop pris par lui-même, ne s'en apercevait pas ou n'y accordait pas d'attention. J'ai donc fini par divorcer. Mais quelle dure sécheresse! Le manque d'affection, de regards souriants, de mots tendres, de caresses douces. Quel amer désert, un lit en solitaire. Et quel désolant désarroi. Se méfier désormais des hommes pour éviter de retomber dans l'affligeante situation avec mon ex-époux. Enfin, le hasard présenta Bruno. Pour la première fois, j'ai senti ce fameux air frais de printemps. Il m'inspira un autre petit poème. On rencontre un être nouveau, et tout redevient enchantant. Ciel et soleil, oiseaux et fleurs. On reçoit tout comme un cadeau, gratuit, joli et palpitant, donnant un sens au mot bonheur. Cependant, la persistance de cette douce sensation, le désir toujours vif de la vivre, finirent par me troubler. Pour me tranquilliser, je pensais à Hua. Je me plaisais à imaginer sa rencontre avec Bruno, et la joie que j'en aurais tirée, voir se réaliser un vrai, un bel amour, comme j'aurais désiré le vivre. Cependant, vint un temps où l'évocation de Hua provoqua un pincement dans mon cœur. J'en fus surprise, ensuite inquiète, enfin, je perçus une vague sensation d'amertume, inattendue, inopportune. J'ai voulu l'ignorer, mais, à l'insu de ma volonté, elle se répétait. J'ai découvert qu'en moi vivent et s'affrontent deux mi, une responsable et une autre qui ne l'est pas. Je me rappelais avec sévérité mon devoir, aider Bruno à retrouver la femme qu'il aime, rien d'autre. Mais la partie mystérieuse de Mei susurrait une chose différente. J'en tremblais, effarée, par crainte de me trahir, de voir la Mei redoutée, triompher de la Mei que je devais être, j'eus l'idée de quitter Bruno, de renoncer à la recherche de Hua. Et puis non, il faut que je domine la Mei forte, résistante à l'inacceptable tentation. Ainsi, je suis restée avec Bruno, en adoptant ce raisonnement, du moment que je garde le secret pour moi, pas de dommage. Mais de temps à autre, l'émotion me trahissait. Très alarmée, j'appréhendais que Bruno s'en rendît compte. Heureusement non, en tout cas, il ne semblait pas. Dans la chambre, des lamentations plus aiguës de Bruno endormi interrompent mes réflexions. Il s'agite un peu dans son lit, comme apeuré. De l'extérieur de la chambre parviennent les gais « cœur, cœur » du perroquet. Durant mon sommeil, la fièvre provoque un cauchemar. Je conduis la voiture dans la nuit, en compagnie de Mei. La route est très sombre, sans éclairage public. Plus grave encore, les phares du véhicule ne fonctionnent pas. Pourtant, il court à une vitesse très risquée. Mon pied, étrangement paralysé, ne réussit pas à atteindre la pédale du frein. Tête baissée vers le pare-brise, je distingue à très grande peine la route. À Mei, très angoissée, je lance. « Je n'arrive pas à actionner le frein. Ouvre la portière et saute dehors. »« Je ne peux pas, » réplique-t-elle, terrorisée. La voiture roule trop vite. J'insiste. « Alors ne saute pas, mais laisse ton corps glisser vers la terre. » Une tache noire, grande comme un camion, barre brusquement la route. Encore une fois, mon pied cherche la pédale du frein, sans l'atteindre. De grosses gouttes de sueur baignent mon visage jusqu'à mon cou. Mon estomac est tordu par la peur de l'horreur. Tout à coup, mais il m'enlace fougueusement et reste accroché à moi de toute sa force. Je sens la brûlante chaleur de son corps, agité et palpitant. Le mur noir approche de manière vertigineuse. D'un coup, je me réveille. Je me rends compte que Mei est penché sur moi, le visage très inquiet. « Je viens de faire un cauchemar, » dis-je. « Oui, je l'ai compris en voyant tes mouvements saccadés, tandis que tu dormais. Ça va mieux maintenant ?» Je reste subjugué par l'expression délicatement préoccupée de Mei. « Je crois, » propose-t-elle, « qu'il te faut consulter un médecin. Je n'aime pas encombrer mon corps de médicaments quand ce n'est pas nécessaire. Je comprends, mais il faut s'assurer que tu n'as pas pris une infection. » Le mot me glace, une peur affreuse m'envahit. Quand Bruno me raconte son cauchemar, nous évitons de le commenter. Pourtant, il me semble clair. Cela me donne chaud au cœur, si chaud. Alors, je ne suis pas inutile. Quelqu'un compte sur moi, et pas n'importe qui. En souvenir de cette douce constatation, je dessine la forme archaïque du caractère signifiant saisir ou vouloir saisir, en sous-entendant le bonheur. Photo du dessin. Déluge d'eau violent, tumultueux torrent. Tension, fatigue, lassitude, incertitude, fièvre, toutes me contraignent à trouver quelque soulagement. Besoin impérieux de parler, de vider le sac. Je fixe le plafond blanc longuement. Vient la confession. Chez moi, la moindre pointe de fièvre m'angoissait à la pensée de ne pas aller travailler. Et les loisirs ne servaient qu'à récupérer l'énergie pour me remettre dans la course. Même les rêves, souvent, concernaient le travail. Quand leur contenu était différent, ils manifestaient le malaise de vivre. Je n'y accordais pas d'attention pour ne pas être détourné de l'objet principal de mon existence, le rendement. Je l'écoute avec une extrême attention. Ces paroles, eau impétueuse longtemps contenue par une digue, la brise et déferle précipitamment, inondant mon esprit. J'ai commencé à travailler à la banque, en croyant que la chose première et principale était de gagner de l'argent, qu'avec lui tout est possible. Rapidement, je suis parvenu à en avoir. J'ai acheté une très belle maison, je me suis marié, un enfant est né. Vint le besoin d'acheter une seconde maison pour les vacances. Cela n'a pas suffi. J'ai continué à bosser plus qu'avant, pour devenir un dirigeant important de la banque, au point qu'on parle de moi dans les journaux, d'être invité à la télévision. Pour cela, l'argent, encore, servait pour acheter les journalistes, leurs directeurs. Plus je gagnais d'argent, plus j'en avais besoin, plus je cherchais les moyens d'en avoir plus. Fini les amitiés, si elles ne servaient pas mon but, fini tout ce qui pouvait m'en détourner. Même mon épouse encourageait cette obsession, richesse et gloire. Pour moi, alors, ne pas viser ce but signifiait incapacité, faiblesse, défaite. Le naufrage de mon mariage, au lieu de me servir de leçon, m'avait seulement dégoûté des femmes et plongé totalement dans le travail. Il était devenu mon unique raison d'exister. Il comblait ma solitude et l'absence de mon fils, confié à sa mère par le tribunal. Plus je bossais, plus l'argent affluait, plus il me rapprochait de la consécration publique. Riche, fameux et envié, voilà tout ce que je désirais. La faiblesse le contraint à se taire pour reprendre son souffle. Il maintient les yeux fixés sur le plafond. Le silence est interrompu par le jovial « cœur, cœur » du perroquet. J'avoue à Bruno, ce que tu dis a maintenant envahi mon pays. Je comprends la nécessité de sortir de la pauvreté. J'en ai souffert aussi dans ma famille. Mais de là à ne voir que l'argent, que son accumulation, où allons-nous ainsi ? Je croyais que parler allait me calmer. Au contraire, je reprends, plus agité. Cependant, une chose m'a fait souffrir, beaucoup, mon fils, auquel je m'identifiais. J'avais découvert avec horreur que le fameux instinct maternel, sa mère n'en manifestait aucune forme. Son unique préoccupation était de bien habiller l'enfant, comme on le fait pour un chien, afin que les autres s'exclament « Ah, quel bel enfant !» Comme on dit « Ah, quel beau chien !» ou « Ah, quel beau tapis !» Rater un mariage n'est pas grave, mais ne pas offrir à mon enfant une famille heureuse m'a profondément lacéré. Mon tourment fut accentué par ce que j'avais subi moi-même dans mon enfance. J'avais vécu dans la terreur de voir mes parents divorcer pour me trouver avec un seul d'entre eux. Et me voici, moi, en me séparant d'une femme absolument insupportable, contraindre mon fils, encore tout petit, à la malheureuse vie d'enfant de parents séparés, avec en plus une mère dépourvue de cœur maternel et un père absent de la maison. C'est le pire auquel je condamnais un enfant innocent, en plus le mien. Je m'en sentais horriblement coupable. Suffoqué de chagrin, il s'interrompt, les yeux remplis de larmes. C'est la première fois que je vois un homme pleurer, et si douloureusement. Plus il parle, plus je souffre en l'écoutant. Malheureux lui aussi, et plus que moi. Je n'eus pas la malchance de mettre au monde un enfant avec mon ex-mari. Pourtant, comme j'aurais été heureuse d'être mère, d'offrir toute ma tendresse aux produits de ma chair, et un père affectueux. Je veux consoler Bruno. Mais, timidité ou honte, je baisse la tête vers le sol. J'avoue, je croyais être plus malheureuse que toi parce que j'ai beaucoup souffert de n'avoir pas eu d'enfant. La main droite de Bruno glisse lentement sur la couverture du lit, s'approche de la mienne, la prend doucement et la serre avec effusion. J'éclate en sanglots. Quand les premières lueurs du matin éclairent ma chambre, j'ouvre les yeux dans mon lit. Sur le fauteuil, May se réveille. Elle s'approche de moi. Après une brève observation, elle déclare « Ton visage est très pâle. À mon avis, il faut appeler un médecin. » J'accepte d'un signe de tête. « Je vais en chercher un, » dit-elle. « Si, pendant mon absence, tu as besoin de quelque chose, appelle-moi au téléphone. » Environ une heure après, elle revient avec un docteur. Il diagnostique « Rien de grave. Un simple coup de fièvre, dû à la fatigue des voyages et au climat auquel le patient n'est pas habitué. » Cependant, un antibiotique évitera toute éventuelle complication.